Il était indifférent à Rivière de paraître juste ou injuste. Peut-être ces mots-là n'avaient-ils même pas de sens pour lui. Les petits bourgeois des petites villes tournaient le soir autour de leur kiosque à musique et Rivière pensait « Juste ou injuste envers eux, cela n'a pas de sens, il n'existe pas. » L'homme était pour lui une cire vierge qu'il fallait pétrir. Il fallait donner une âme à cette matière, lui créer une volonté. Il ne pensait pas les asservir par cette dureté, mais les lancer hors d'eux-mêmes. S'il châtiait ainsi tout retard, il faisait acte d'injustice, mais il tendait vers le départ la volonté de chaque escale. Il créait cette volonté. Ne permettant pas aux hommes de se réjouir d'un temps bouché, comme d'une invitation au repos, il les tenait en haleine vers l'éclaircie, et l'attente humiliait secrètement jusqu'aux manœuvres les plus obscures. On profitait ainsi du premier défaut dans l'armure. « Débouché au nord, en route !» Grâce à Rivière, sur 15 000 kilomètres, le culte du courrier primait tout. Rivière disait parfois « Ces hommes sont heureux parce qu'ils aiment ce qu'ils font, et ils l'aiment parce que je suis dur. » Il faisait peut-être souffrir, mais procurait aussi aux hommes de fortes joies. « Il faut les pousser, pensait-il, vers une vie forte qui entraîne des souffrances et des joies, mais qui seule compte. » Comme l'aventure à Trétainville, Rivière se fit conduire au bureau de la compagnie. Robineau, resté seul avec Pellerin, le regarda et entr'ouvrit les lèvres pour parler.